L'actualité à Nancy et ailleurs. 25 ans, ça se fête, 25 ans d'engagement, encore plus, c'est 25 ans d'engagement de l'association Amidjan qui va le 2 mai prochain fêter ça de bien belle manière avec un gala. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Eva et Gabin. Bienvenue à tous les deux. Non, merci. Merci. Alors vous êtes tous les deux étudiants à la fac de médecine. C'est ça. Exactement. Je vous laisse vous présenter en deux mots. Et ben moi c'est Gabin, j'ai 20 ans, je suis en deuxième année de médecine et donc c'est la première année que je suis dans l'association Amidjan et je suis VP vente, donc je m'occupe des différentes ventes qu'on peut organiser tout au long de l'année. Et moi donc c'est Eva et j'ai 20 ans, je suis en troisième année de médecine et je suis la vice-présidente de l'association. Et donc déjà deuxième année d'engagement au c'est sein ça, de c'est ma deuxième année d'engagement. L'engagement de l'association Amidjan c'est principalement vers l'orphelinat La Providence, c'est ça. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Eh ben, en 2001, l'association a été créée, mais on allait en Côte d'Ivoire ainsi qu'au Togo. Et depuis 2006, on va au Bénin. Et depuis donc 2007, on subventionne le centre d'accueil La Providence. Donc, c'est-à-dire qu'on prend en charge les frais scolaires, médicaux et alimentaires. Et du coup, nous, toute l'année, donc, on est en contact avec eux, avec l'assistant social qui gère le centre d'accueil. Et quand on y va l'été, on y va tous les après-midi pour passer du temps avec eux, faire des activités, on organise des grands jeux, des choses comme ça, donc voilà. Donc toi, tu y es déjà allé l'année dernière? C'est ça, exactement. Et tu vas y retourner cette année? Oui. Et Gabin, là, ce sera une première pour toi? Et tout à fait, une première. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet engagement? Et ben, ça représente beaucoup de choses. Ouais. Déjà, on y passe beaucoup de temps tout au long de l'année avec les différentes actions qu'on fait ici, en France. Et ensuite, c'est des belles valeurs qu'on essaye de représenter, de défendre un petit peu. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Je pense que c'est la même chose pour Eva, donc voilà. Oui, voilà. En fait, en plus, c'est hyper satisfaisant quand on fait plein de choses en France toute l'année et qu'après, nous, quand on se rend au Bénin, on voit un petit peu l'aboutissement de tout ce qu'on a pu faire. Et en fait, on se dit, OK, on a fait ça pour quelque chose. Et du coup, ça nous motive en plus, après la deuxième année, de donner encore plus et de donner encore plus de notre temps tout au long de l'année. C'est génial que ça perdure depuis 25 ans et que chaque année, en fait, il y a de nouveaux projets qui sont faits et qui sont de plus en plus beaux, de plus en plus grands et qu'on peut se permettre, en fait, de les faire grâce à tout le monde, grâce aux dons, grâce à notre investissement, etc. Oui, parce que le fait d'y être allé déjà, tu crées du lien et quand c'est tu reviens après la deuxième année, tu partages encore plus facilement ce que tu as vécu là-bas. Ah bah clairement, et puis du coup c'est vrai que vraiment on se rend compte sur place tout ce qu'on a pu faire pendant l'année, que ça sert à quelque chose et que voilà, ça nous donne encore plus envie de continuer. Donc c'est vrai qu'arrêter au bout de deux ans, des fois ça met un petit coup parce que c'est vrai qu'on a toujours envie de continuer, on a envie d'y retourner, surtout qu'on s'attache aux personnes sur place, notamment par exemple les enfants du centre d'accueil. C'est vrai que voilà, on tisse des liens en trois semaines et franchement, c'est quelque chose d'assez sympa, quoi. On va parler du gala dans quelques instants, mais au cours de l'année, vous organisez différents rendez-vous, des temps forts. Vous pouvez nous en parler? Je vais déjà commencer par mon pôle, donc les ventes. C'est-à-dire qu'à la fac de médecine, ainsi que dans d'autres facs, dans d'autres bibliothèques universitaires, à Nancy principalement, on organise des ventes, c'est des ventes de gâteaux, des ventes de boissons. Ça peut être des gâteaux maison qu'on fait nous-mêmes ou qu'on achète. Donc ça nous permet de récolter déjà pas mal d'argent tout au long de l'année. On en fait à peu près à la fréquence de une semaine par mois. Ensuite, on fait également des soirées étudiantes où les entrées sont souvent payantes pour également récolter des fonds. On a un gros pôle éducation qui est géré aussi par une personne de l'association qui va travailler avec les écoles, avec les collèges, les lycées, etc. afin de présenter un petit peu notre projet et dans le but de faire des actions pour récolter également des fonds. Et ça, c'est également un pôle qui rapporte pas mal d'argent. On organise des cours solidaires aussi. C'est la deuxième année qu'on a pu créer une course qui s'appelle Amidjambe, qui se fait de plus en plus connaître et on en refait une d'ailleurs fin mai. Ces cours solidaires, elles permettent aussi de passer un moment assez convivial avec tout le monde et du coup, ça nous permet aussi de récolter un peu des fonds. Voilà, à peu près ce qu'on fait en France qui nous permettent d'être en contact avec des gens et vraiment de nous faire connaître, en plus de certaines interventions, même dans certaines facs, par exemple auprès des infirmières, auprès des sages-femmes, etc. Vous l'avez dit, fin mai, il y a un autre rendez-vous, mais déjà début mai, il va y avoir ces 25 ans à fêter. Vous allez faire un gala. Vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui nous attend, où est-ce que ça va se passer? Donc le gala de charité, il va se dérouler à l'hôtel de ville de Nancy. C'est la troisième édition que ça se fait. On organise une soirée assez conviviale, donc de 21h à 2h du matin, enfin 1h45 du matin. Il va y avoir un apéro dînatoire, il va y avoir un groupe de musique qui va performer, ainsi qu'un DJ en fin de soirée. Il y aura plein de petites surprises tout du long, mais globalement, voilà, il y aura donc un traiteur qui sera là vraiment tout au long de la soirée. On a une tombola aussi qui nous attend. Ça va être un déroulement assez sympa et quelques petites... Des petites surprises. Choses. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, qui peut participer à ce gala ? Tout le monde. On a ouvert un nombre de places limité, par exemple, pour les étudiants en médecine, hors membres de l'association, donc hors anciens membres, même membres actuels ou bénévoles qui sont partis avec nous. C'est ouvert à la famille, aux amis. C'est une billetterie qui est assez ouverte. On a limité à 300 ou 350 places. Mais voilà, on a ouvert donc, par exemple aussi à nos partenaires, des entreprises, des choses comme ça. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. D'accord. Allez, pour participer, pour s'inscrire, comment fait-on aujourd'hui ? Eh bien, on a une billetterie qu'on peut retrouver notamment dans notre biographie Instagram. Donc on clique sur le petit lien et il y a la billetterie avec un petit questionnaire et on y met toutes les informations nécessaires. C'est très simple, il faut juste suivre le déroulé. Via les réseaux sociaux, on s'informe aussi de toute votre actualité, bien sûr ce gala, pour s'inscrire aussi les prochains rendez-vous. Vous avez parlé d'Amis de Jambes fin mai. C'est ça, sur Instagram, c'est vrai qu'on a vraiment tout ce qu'on fait. Même des fois, on met des stories, par exemple, de 24 heures où c'est juste nous lors d'un événement et après, on fera un petit récap sur le compte Instagram. On a d'ailleurs un site internet qui va pas tarder à arriver, on l'a refait et du coup, bah, ça sera plus accessible aux personnes qui n'ont pas les réseaux sociaux parce qu'on y a forcément pensé. Donc c'est pour ça qu'on a créé un site internet qui va bientôt normalement être fini et on pourra mettre aussi toute notre actualité, ce qu'on a déjà fait auparavant et ce qui arrive. Et donc on a la course, donc c'est la 3e édition d'Amis de Jambes. Enfin, mais j'ai plus la date exacte donc je vais pas dire n'importe quoi. Et donc c'est vrai que déjà la 2e édition, il y avait plus de monde que la première. Donc on attend que ça marche aussi bien à la 3e édition. Donc voilà, mais ça sera... Tout sera mis sur Instagram, Facebook et sur notre nouveau site internet quand il sera sorti. Et bien sûr, ce gala de charité, ce sera le 2 mai à l'hôtel de ville de Nancy avec l'association Amis de Jean. Et bien sûr, avec derrière eh bien, tout ce que vous apportez à l'orphelinat La Providence, qui est donc dans la province de Lokossa au sud du Bénin. Exactement. En un mot, comment vous résumeriez votre engagement au sein de l'association Amis de Jean ? Gratifiant, chérie. Et si je peux rajouter un deuxième mot, enrichissant. Ça nous apporte plein de choses. Merci à vous deux. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.